J'ai zappé que tu me devais des lobes. Je vais pas te mentir, on s'ennuie grave. Voiture qui bosse, c'est les condés. Laisse-les parler, ils en ont des bonnes à raconter. Tu es dans le bolide, chargé de lit, tu es en délit, tu es dans le délire. Sous le matelas, y'a l'incélien, j'appelle Cali, il est pas là, il claque des livres. Pendant que je traverse le périph', désolé, t'es pas attendu, j'ai décollé. Finalement, j'ai fait le tour du bâtiment. J'avais zappé que tu me devais. T'as pas un centime, cinéma, ouais. Dans les 3, RS3, c'est méga. 4-4, je l'ai fait en 2-4-6. Bandit du 9-3-3-5, c'est proche du coccyx. Les mecs censés te protéger viennent de nous appeler. Ici y'a que les types que tu peux venir bluffer.